Sauf qu'il y a eu accommodement, raisonnable selon Emma Québec, déraisonnable selon moi et plusieurs. Les femmes musulmanes de Québec qui veulent donner du sang vont pouvoir dénuder leurs bras à l'abri des regards masculins. Ils vont mettre un petit rideau. C'est ce que les gens d'Emma Québec nous ont dit. Ah, rien là, juste un petit rideau pour pas que personne voit leurs bras dénudés. Bon, on a fait le débat avec vous, plusieurs ont réagi. C'est sûr que c'est pas grand-chose, c'est juste un rideau. Mais la femme qui peut même pas dénuder son bras pour donner du sang, es-tu dans le bon pays? OK, donc même les Juifs également demandent des accommodements déraisonnables. Ben, c'est-à-dire que les infirmières peuvent pas amener leur lunch parce que c'est pas cachère, et Emma Québec, prenant acte de ça, au lieu de dire, au lieu de dire aux Juifs, allez donc bouffer dans vos restaurants ou regarde, faites de quoi, mais nous autres, on n'empêchera pas nos infirmières d'amener le lunch, c'est à nous autres à s'adapter. Ils vont marquer, c'est toujours à nous. La majorité, ou les gens qui sont... Puis le « nous », il est pas blanc, là. Il est pas français, il est pas québécois. C'est le « nous » qui sommes pas des religieux extrémistes. On peut être de toutes les couleurs que vous voulez. Mais c'est ce « nous-là » qui avons toujours à se mettre à genoux devant ce monde-là. C'est le « nous », c'est le chauffeur qu'il faut qu'il quitte. C'est nous autres qu'il faut qu'il installe un rideau. C'est nous autres qui amène pas notre lunch, qu'il faut qu'il s'habille de telle façon ou baisser le regard. C'est jamais eux autres qui se disent « hey ». On s'en va donner la vie qu'une collecte de sang. Penses-tu vraiment que notre Dieu, qui s'appelle Dieu, Bouddha ou Allah, là, va nous envoyer en enfer parce qu'on a montré un bout de peau? Vous pensez ça au moment où la femme musulmane donne la vie? Parce que c'est ça un don de sang, je veux pas le banaliser. Pensez que son Dieu va l'envoyer en enfer? Parce que quelqu'un a vu un bout de peau? Voyons donc. Ça, c'est de l'extrémisme. On devrait pas céder à ça jamais. Sylvain, bon matin. Oui, Sylvain Bouchard? Yes. Alors, écoute, Sylvain, ce que José vient de dire était justement en lien avec mon sujet à moi. Elle disait, est-ce qu'un musulman homme va accepter de recevoir le sang d'une femme? Moi, ce que je proposais à votre personne qui m'a répondu, c'est, Emma Québec, est-ce qu'ils vont identifier le sang qui provient d'un musulman? Parce que moi, en tant que personne civile non pratiquante musulman, je suis pas intéressé de recevoir leur sang, considérant leur façon de penser à eux, là.